À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, la revue hongkongaise de Chine, Rapports internationaux du mois de septembre, a présenté avec des photos du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un des numéros spéciaux. Elle a exalté tout d'abord les espoirs immortels des grands leaders pour l'édification du parti et le maréchal Kim Jong-un qui a développé le Parti du Travail de Corée en grand parti Kim Il-suniste, Kim Jong-uniste. Elle a exposé des photos montrant les défilés des militaires et des citadins de la ville de Pyongyang et la marche au flambeau des jeunes avant-gardes consacrée au 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée. Par ailleurs, l'Association d'amitié Bulgarie-Corée a fait paraître un bulletin du mois d'octobre. Le bulletin a noté en détail les espoirs immortels du président Kim Il-sung sous le titre « Le 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée ».